Quand nous dévions du chemin que Dieu a tracé pour nous, nous perdons notre amour, nos relations et notre intimité avec Dieu. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Donnez votre vie au Seigneur. Obéissez à Dieu. Soumettez-vous à la volonté de Dieu. Ces mêmes principes fondamentaux de la vie chrétienne servent parfois d'excuses à certaines personnes pour rejeter le Seigneur. Ils considèrent l'obéissance à Dieu comme un fardeau, un devoir ou même une menace. Or, Dieu veut notre bien et il sait où se trouvent nos meilleurs intérêts. Notre réaction envers ces demandes devrait donc être empreinte d'amour, de confiance et d'obéissance. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous étudierons avec Charles Stanley l'histoire d'un jeune homme qui a fait le choix de désobéir à son père, de s'éloigner délibérément de lui et de quitter la sécurité du foyer. Nous apprendrons ce qu'il en coûte de s'éloigner de Dieu. Comment une personne dont les péchés ont été pardonnés par Dieu, qui a son nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a le merveilleux privilège de s'adresser au Père Céleste pour lui soumettre tous ses désirs, ses besoins, qui peut se décharger de ses blessures, qui sait au fond d'elle-même qu'elle ira au ciel quand elle mourra, qui est habitée par le Saint-Esprit, et donc par le Seigneur Jésus-Christ, peut-elle simplement décider de s'éloigner de Dieu? Nous tâcherons de répondre à cette question dans ce message intitulé « S'éloigner de Dieu ». En se fondant sur l'Évangile selon Luc, chapitre 15, les versets 11 à 24. Il s'agit de la parabole bien connue du fils prodigue. Lisons ensemble. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers ou de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Ce passage nous paraît tellement familier que certaines choses pourraient bien nous échapper, si nous n'y portons pas attention. Car cette parabole s'applique à nous tous. Nous pouvons tous nous y reconnaître. Premièrement, on remarque que Dieu nous permettra de nous éloigner de lui si nous le décidons. Dieu nous a donné à tous une certaine mesure de libre choix. Il est faux de prétendre qu'une personne dispose d'une complète liberté d'action, car Dieu détient le parfait contrôle de toute sa création. Cependant, il nous laisse une certaine liberté, et si une personne décide délibérément et volontairement de s'éloigner de Dieu et de pécher contre lui, Dieu lui permettra de le faire. Toutefois, nous devons comprendre que personne ne peut vivre sagement tout en s'éloignant de Dieu. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus-Christ représente symboliquement Dieu par le père de ce fils rebelle. Ce dernier décide de désobéir à la volonté de son père. Il reconnaît son droit à l'autodétermination et son droit à l'héritage. Or, en vérité, si nous connaissions réellement notre Père céleste, nous ne voudrions à aucun prix vivre loin de lui. Et pourtant, c'est exactement ce que ce fils a voulu, et c'est aussi ce que de nombreuses personnes désirent. Et nous pouvons deviner le chemin qu'ils emprunteront à ce moment-là, car il est toujours le même. Tout commence dans notre tête. Nous commençons à penser à certaines choses qui ne coïncident pas avec la volonté de Dieu pour notre vie. nous les tournons et retournons dans notre tête, ce qui donne naissance à des désirs qui sont également en opposition à la volonté de Dieu. C'est alors que nous commençons à nous éloigner de lui, et tout s'enclenche à partir de là. Nous commençons à éprouver certains désirs, poussés à agir par une influence extérieure, quelqu'un qui nous dirait par exemple « Tu devrais essayer cela. Tu aimerais sûrement cela. » Il se peut également que nous laissions nos pensées divaguer, que nous désirions mettre du piquant dans notre vie pour sortir de la routine, ou que nous ayons envie d'essayer de nouvelles choses. Bref, cela commence toujours avec un désir. Deuxièmement, après le désir vient habituellement l'illusion. Le désir naît en nous, puis Satan se met à nourrir ce désir. Il nous murmure à l'oreille. « Oh oui, c'est vraiment la meilleure chose qui pourrait t'arriver. C'est exactement ce qu'il te faut. Après tout, tu le mérites bien. Tu as travaillé tellement fort. Tout le monde le fait. Fais-le donc. » Et Satan est un maître de l'illusion. Vous souvenez-vous comment il est parvenu à tromper Ève? Il lui a dit, « Ève, je sais bien que Dieu vous a dit que si vous mangez de cet arbre, vous mourriez, mais ce n'est pas vrai. Vous ne mourrez pas. » Satan aime tromper et il nourrit toujours nos plus mauvais désirs. Et très vite, influencés par ses mauvais penchants, nous prenons une mauvaise décision. Le désir naît donc d'abord, puis s'ajoute l'illusion qui le nourrit. Troisièmement, se greffe aussi la décision que nous prenons face à cette situation. Nous pourrions dire « Je sais que j'aimerais faire cela, mais je décide de ne pas le faire. » Ou, au contraire, « Je veux faire cela. » Satan profite de cette occasion pour nourrir ce désir. Nous consommons alors sa nourriture en même temps que notre décision. Et si nous choisissons cette route, la prochaine étape nous éloignera du chemin tracé par Dieu et de sa volonté. C'est alors que nous mettrons nos pensées en action et que nous nous engagerons sur ce chemin. Revenons à la parabole du fils prodigue. Après avoir parlé à son père, le fils a reçu sa part de l'héritage. Peu de temps après, il a pris tout ce qu'il avait et il est parti en voyage dans un pays éloigné. Que devons-nous comprendre par l'expression « pays éloigné » ? Il s'agit d'un endroit, peu importe lequel, où nous pensons pouvoir vivre à l'encontre de la volonté de Dieu. Et combien de temps pouvons-nous y vivre ? C'est un choix que nous faisons. Nous pouvons décider de vivre dans ce pays éloigné pour une courte période de temps, ou nous pouvons décider d'y vivre pendant une semaine, un mois, une année, deux années, 10 ans, 20 ans, ou même tout le reste de notre vie. Peu importe qui vous êtes et où vous êtes, écoutez bien ceci. Si vous vivez hors de la volonté de Dieu, vous avez décidé d'en faire à votre tête et de vivre comme vous le vouliez. Si vous n'avez jamais reçu personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous vivez dans un pays éloigné de Dieu. Et la seule chose qui compte vraiment est de découvrir comment revenir à la maison et de comprendre l'importance critique de revenir vers Dieu. Vous pouvez être une de ces personnes qui fréquentaient l'Église quand elle était jeune. Votre famille allait peut-être à l'Église, ainsi que vos grands-parents. Et vous les suiviez depuis votre tendre enfance. En fait, vous ne vous rappelez même plus de la première fois où vous y avez mis les pieds tant que vous étiez jeune. Puis, vous avez grandi, et après un certain temps, vous avez décidé que vous étiez fatigué d'aller au culte. Vous avez alors tracé votre propre chemin. Vous avez pris vos propres décisions. Vous avez décidé de vivre comme vous l'entendiez. Vous savez que vous ne vous êtes jamais soumis à Dieu. Vous savez que vous ne lui avez jamais dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse de ma vie ?» Pourquoi ? Parce que vous vivez dans un pays éloigné. À présent, j'aimerais vous faire remarquer que, dans cette parabole racontée par Jésus il y a bien longtemps, certains des principes exposés s'appliquent encore aujourd'hui. Voici ce à quoi nous pouvons nous attendre. Jésus décrit d'une façon imagée ce qui arrive dans la vie de chaque personne quand elle prend la décision de s'éloigner de la voie tracée par Dieu. Nous avons déjà dit que tout commence par un désir que Satan nourrit avec une illusion. Après y avoir cru, nous prenons la décision de partir. Nous partons loin des voies de Dieu, nous fuyons, puis nous faisons route vers un pays éloigné. À ce point-ci, la question à se poser est la suivante. À quoi pouvons-nous nous attendre? Car Satan nous dit, « L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Va faire un tour, juste pour voir. Tu verras comme c'est divertissant et excitant. Il est temps que tu essaies. Je sais que tu meurs d'envie d'essayer cela. » Satan est l'agent de voyage qui vous vend le pays le plus éloigné du paradis comme étant le paradis. Nous croyons ce qu'il nous dit. Et sans nous en rendre compte, nous sommes entraînés vers une destination inconnue. Il est étonnant de constater à quel point il est facile pour Satan de nous tromper et pour nous de croire à ses sous-entendus, à ses fausses promesses, à ses fausses pistes et à ses illusions. Et pourtant, nous savons très bien qu'ils sont contraires à la volonté de Dieu et à sa parole. Que pouvons-nous redouter alors? Plusieurs choses. Je vous en propose une liste. Il serait bien prudent de noter ces éléments, car ils font office de cartes routières. Vous pourriez donc les utiliser pour vous situer ou même pour savoir comment revenir à la maison. Le premier mot est « égarement ». Voilà à quoi peut s'attendre une personne qui s'éloigne de la voie tracée par Dieu. Pour se retrouver dans un pays étranger, on doit non seulement se perdre géographiquement, mais aussi moralement, socialement et mentalement. Il s'agit de moments d'égarement qui se prolongent dans le temps. Car le péché obscurcit et embrume la pensée. Il la fragmente et la divise. La pensée, au lieu d'être unis à Dieu, se révolte et s'incline devant la chair. On dérive alors jusqu'à perdre totalement notre position. En décidant de nous éloigner de Dieu, nous faisons le premier pas d'un détour qui ne nous mènera pas là où nous pensons aller et qui ne nous octroiera pas ce que nous recherchons. Nous avons donc cédé aux tentations de Satan et nous sommes pris dans un tourbillon. Nous commençons à dériver, comme ce jeune homme de la parabole, parti à l'aventure dans un pays éloigné avec sa part d'héritage. Et il n'est probablement pas allé à l'endroit où il avait d'abord planifié d'aller. Il s'est égaré. Il cherchait quelque chose, peut-être du plaisir ou une satisfaction ou quelque chose qui lui procurerait du plaisir. C'est alors qu'il nous semble que les choses ne sont pas comme on le pensait, ni comme on le voulait. On commence à s'égarer parce qu'on accorde plus d'importance aux choses et aux plaisirs de la vie qu'aux gens qui nous entourent. Satan nous trompe en nous faisant dédaigner les liens de la famille. Si nous restons avec nos parents, il nous les fait paraître vieux jeux et déconnectés de la vie. Si nous sommes nous-mêmes parents, il nous fait croire que notre famille brime notre liberté. Elle est comme un piège dans lequel nous sommes coincés. Satan déteste la famille, et quand toute une société s'éloigne de Dieu, la famille en souffre. Après tout, il faut bien vivre pendant qu'on est jeune. On mérite bien un peu de bon temps. On veut goûter au plaisir, comme tout le monde. Il n'y a rien de mal à cela. Voilà les pensées que Satan nous met en tête pour nous détourner de notre chemin et nous égarer. Le deuxième mot est « gaspillage ». Encore une fois, le parcours de l'enfant prodigue est révélateur. Regardons Luc chapitre 15, verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. En effet, quand on s'éloigne du chemin et de la volonté de Dieu, on peut s'attendre à gaspiller notre argent comme ce jeune homme a dissipé son bien. On perdra aussi beaucoup de temps, car on n'avance jamais en fuyant le plan de Dieu pour notre vie. Au contraire, nous perdons du terrain, nous perdons de l'argent et nous perdons du temps. Il est parfois ironique d'entendre les gens dire « Ça ne coûte rien d'essayer ». nous devons quand même faire attention. Si elle ne coûte rien du strict point de vue des finances, certaines expériences peuvent laisser des marques durables. De toute façon, on perd toujours son temps quand on s'éloigne de Dieu et de sa volonté. On gaspille ses talents, on gaspille ses habiletés, on gaspille ses relations, on gaspille la joie de l'obéissance. Bref, du gaspillage et encore du gaspillage, sans compter les fois où l'on perd effectivement de l'argent. J'ai vu trop de fois des gens qui avaient tout, s'éloigner de Dieu et tout perdre. Ce détour est un immense gâchis, jonché de pertes. Nous pouvons perdre l'amour, les relations, et nous perdrons, bien sûr, notre relation intime avec Dieu. On ne trouve que des perdants chez ceux qui marchent hors des voies de Dieu. Bien entendu, si on se fie aux apparences, certaines personnes semblent plutôt bien parties, même si elles refusent de se soumettre à Dieu. Or, j'ai entendu tellement de témoignages provenant de personnes qui semblaient tout avoir, des personnes qui suscitaient l'envie de leur entourage, qui paraissaient bien réussir dans tout ce qu'elles entreprenaient, heureuses et complètes, et qui s'avéraient en réalité misérables. Pourquoi? Car la seule chose qui puisse remplir votre cœur et vous apporter le bonheur et la satisfaction, peu importe qui vous êtes, c'est une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Attention, cela ne veut pas dire que si vous prenez la décision de suivre Jésus, vous ne pouvez plus avoir de maison, d'auto, de terrain ou d'autres biens. Il n'y a rien de mal à être riche, car Dieu est la source de toute richesse. Or, la question est de savoir où se situe le Seigneur Jésus-Christ dans tout cela. Passe-t-il avant vos biens ou après? Vous pouvez tout avoir, mais si vous perdez Jésus, si vous ratez l'occasion de le connaître, si vous ne l'avez jamais découvert dans votre vie, vous n'avez rien en réalité. Et les gens demeurent perdants. Ils perdent même le peu qu'ils ont. Ils dépensent et investissent en tentant de satisfaire ce vide, ce désir insatiable que Dieu a mis dans leur cœur et qu'il est le seul à pouvoir combler. Ils essaient de le satisfaire par des plaisirs, des relations superficielles, de l'alcool, des pilules, des drogues et toutes ces évasions que le monde propose, ce qui les incite à gaspiller encore plus le peu qu'ils possèdent. Or, ce vide, ce gouffre profond à la forme précise d'une serrure, et Jésus-Christ est la clé. Il est le seul à pouvoir remplir cet aspect particulier de leur vie. Or, les hommes préfèrent continuer à s'égarer, à gâcher leur vie et à perdre leur temps, leur argent et leurs relations. Le troisième mot est « méchanceté ». J'entends d'ici les protestations. « Je suis une bonne personne. Demandez à mes amis. » Cependant, qu'est-ce que la méchanceté? La méchanceté est la rébellion contre Dieu. La méchanceté est le péché sous toutes ses formes. Quand une personne s'égare, qu'elle marche loin des voies de Dieu, elle ne peut donc pas marcher dans la justice, car en s'éloignant de Dieu, elle s'approche du péché. En s'éloignant de la volonté divine, elle se met automatiquement à pécher. Or, cette voie nouvelle peut paraître très sophistiquée aux yeux du monde. En effet, la route que vous avez décidé d'emprunter contredit les plans de Dieu, mais paraît lisse et agréable à parcourir. Elle peut l'être pour quelqu'un d'autre, car elle pourrait être la volonté de Dieu pour une personne en particulier, mais pas pour vous. Aussi, si vous agissez au mauvais moment et que vous vous dirigez vers un lieu dans lequel Dieu ne veut pas que vous vous engagiez pour une raison quelconque, du moment que vous n'agissez pas conformément à sa volonté pour votre vie, vous péchez définitivement. Nous surestimons parfois notre capacité de résistance au péché. Et parfois, nous sommes déçus de nous-mêmes. Nous pensons, « Seigneur, je ne me serais jamais cru capable de penser de telles choses. » Ou, à plus forte raison, de faire de telles choses. Le péché nous prend par surprise et nous humilie. Et quand nous choisissons délibérément de nous éloigner du chemin tracé par Dieu, nous partons pour un pays étranger, et personne ne connaît les embûches qui jalonneront ces routes. Trop souvent, j'ai entendu des gens déclarer « Je ne me serais jamais cru capable de tomber aussi bas, aussi rapidement, et de me mettre les pieds dans les plats de cette façon. Je n'aurais jamais cru que cela pouvait m'arriver. » Or, il est de nature même de Satan de chercher à nous tromper et à nous induire en erreur. En dérivant des causes divines, nous sombrons fatalement dans le besoin. C'est notre quatrième mot. Une fois que nous nous sommes éloignés de Dieu, Satan continue son travail de destruction et murmure à notre oreille « Veux-tu être satisfait, heureux ou avoir du succès? Veux-tu être libre? Eh bien, voici ce que tu dois faire. » Et bien sûr, le chemin qu'il nous propose alors mène directement à l'esclavage d'une multitude de désirs et de pulsions concurrents et contradictoires. Toutefois, Satan ne vous dira jamais que ce chemin mène à la ruine. Le jeune homme de la parabole a donc, selon Luc chapitre 15 verset 13, gaspillé son bien en vivant dans la débauche. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce que lorsque Dieu n'est pas aux commandes de notre vie, nous prenons fatalement des décisions qui manquent de sagesse et en conséquence, nous perdons non seulement les bénédictions que Dieu avait en réserve pour nous, mais également celles qu'il avait planifiées pour notre vie. Dans le verset suivant, nous apprenons que le jeune homme commença à se trouver dans le besoin. Lorsqu'il n'a plus d'argent pour faire la fête, ses amis ont disparu. Il ne se souciait alors plus de lui. Et il s'est vite retrouvé obligé de travailler dans une porcherie à nourrir les pourceaux. On se rappellera en passant que les Israélites considéraient le porc comme un animal impur et méprisable. Ils n'avaient pas le droit de se nourrir de cette viande jugée infecte. Et pour porter le comble à sa déchéance, le verset 16 nous rapporte qu'il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Mais où donc étaient passés tous ses amis des beaux jours? Oh, ils étaient encore là! Or, quand le fils prodigue a perdu son argent, il a également perdu ses amis. Et à présent, plus personne ne lui donnait quoi que ce soit. Rappelez-vous bien de ceci, ou notez-le, peu importe où vous en êtes dans la vie, il existe des porcheries sur le chemin de toute personne qui s'éloigne de Dieu ou qui demeure loin de son chemin pendant une période de temps. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je sais qu'il y a des porcheries sur cette route. Il faut le savoir. Pour un jeune Israélite de bonne famille, être obligé de garder des pourceaux afin de survivre était la pire chose qui pouvait lui arriver. Il était vraiment dénué de tout. Ce jeune homme avait perdu tout son argent et il n'avait plus rien à manger. Or, à vrai dire, le besoin le plus pressant n'était peut-être ni matériel ni physique, mais sans doute de nature affective. Sa pire douleur était d'avoir perdu sa relation avec son père, de ne plus être aimé, d'être rejeté. Bref, la douleur d'être absolument seul. Voilà le genre de souffrance auquel nous pouvons nous attendre. Le cinquième mot est « malheur ». En péchant contre Dieu et en s'éloignant de sa volonté pendant une période de temps, les gens voient leur estime de soi faiblir ou disparaître totalement. Ils sont alors malheureux, abattus et se sentent sales et rejetés. Ils se sentent indignes. Cependant, Satan ne vous préviendra jamais du prêt payé pour le péché. Vous voyez, si le péché apportait une satisfaction durable, la parabole du fils prodigue ne se trouverait pas dans la Bible. Le but de ce passage est en effet de nous montrer le chemin du péché et ses conséquences. Personne ne veut parler de ces choses et personne n'aime à y penser. Nous désirons mener nos vies comme bon nous semble, en espérant que tout aille pour le mieux. Or, ce passage se trouve dans la Bible pour plusieurs raisons. Retrouvons notre jeune homme au verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Savez-vous, j'ai la conviction que si vous appartenez à Dieu et que vous vous éloignez de ses voies, il enverra une famine d'un genre ou d'un autre dans votre vie pour vous ramener près de lui. Combien de temps une personne doit-elle rester loin de Dieu, aussi longtemps qu'elle le désire? Et pour mettre fin à cette condition, elle n'a qu'à se repentir. « Seigneur, je me suis engagé dans une mauvaise direction. Pardonne-moi. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Merci, Dieu puissant, de m'avoir arrêté sur ce chemin. Or, si nous persistons dans la mauvaise direction, nous éprouverons le sentiment d'être indignes de Dieu. C'est notre sixième mot. Ce sentiment nous abaisse et nous fait croire que nous sommes sans valeur, que Dieu ne peut nous sauver à cause de nos actions passées, ce qui nous rend totalement coupables d'exister. Le dernier mot est « échec ». Lorsque nous décidons de nous rebeller contre Dieu et que nous persistons dans cette voie, nous gâchons notre vie. Et tôt ou tard, il y aura une porcherie. Tôt ou tard, il y aura des besoins, la famine, la déception et le désespoir. Imaginez-vous arriver au crépuscule de votre vie, regarder en arrière et vous rendre compte que vous n'avez pas été heureux et que vous n'avez jamais ressenti aucune paix. Oh, bien sûr, vous avez accumulé beaucoup de biens, mais aucun ne vous a procuré une satisfaction durable. Et bientôt, vous n'aurez plus rien, car vous serez mort. Pourquoi ce sentiment constant d'insatisfaction? Parce qu'il existe une seule façon de trouver une satisfaction véritable dans cette vie. Une relation personnelle avec Jésus-Christ. Dieu a tracé une route pour chacun de nous. Il ne tient qu'à nous de la suivre. Nous sommes libres d'emprunter la bonne ou la mauvaise voie. Évidemment, ceux qui décident de s'éloigner des voies divines finiront tôt ou tard comme le fils prodigue de la parabole, soit malheureux, indigent et désespéré. Car il n'existe qu'une véritable manière de satisfaire nos désirs intérieurs, en nourrissant une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ. Comprenons bien que la popularité, la gloire et la richesse passeront et nous laisseront ultimement vides. C'est pourquoi Charles Stanley nous a appelés aujourd'hui à donner au Seigneur la première place de notre vie. Dieu a en effet promis sa protection et ses bons soins à ceux qui l'aiment. Le psaume 62, versets 2 et 3 et 8 le garantit. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Amen. Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.